Chapitre 11e. Que sont devenus Julia Vidal et Albert Savary depuis que les exigences de notre récit nous ont obligés à les perdre de vue? Le lendemain du dîner au café anglais, Savary s'était rendu vers les 3 heures de l'après-midi rue de Gramont. « Madame est malade, lui avait dit Marietta, elle ne peut recevoir monsieur. » Après avoir inutilement insisté pour être introduit auprès de Madame Vidal, Savary s'était empressé de courir à l'hôtel des Princes. Il voulait au moins s'entretenir de Julia, puisqu'il ne pouvait la voir. Mais le comte de Rubigny, jusqu'à ce jour si communicatif, si gracieux, si bon vivant, était devenu depuis la veille cérémonieux, froid et compassé. Au lieu de répondre, comme d'habitude, par de longues phrases filandreuses, aux moindres questions, il ne parlait plus que par monosyllabes et restait entièrement muet lorsqu'on l'interrogeait sur l'indisposition de sa parente. Nous savons dans quelle disposition d'esprit se trouvait en ce moment Bibert, et nous ne nous étonnerons pas de ce brusque changement dans ses manières. Mais Savary, qui n'était pas initié, comme nous l'avons été, aux souffrances de son ancien compagnon, s'étonna et s'alarma. Il chercha en même temps les causes qui pouvaient motiver la conduite du comte, et il crut les avoir trouvées. « Le délai de 15 jours qu'il m'a donné pour m'acquitter de ma dette de jeu, se dit-il, est écoulé depuis longtemps. Il trouve sans doute que j'en prends trop à mon aise. La froideur qu'il me témoigne est un reproche indirect et une mise en demeure d'avoir à songer à lui. Dès que cette idée lui vint, Savary n'eut plus qu'une préoccupation, s'acquitter le plus vite possible avec le comte de Rubigny, qui pouvait user de son influence pour le tenir éloigné de Madame Vidal. Cependant, il n'avait pas les 14 000 francs dus, et personne, parmi ses connaissances, ne paraissait disposé à les lui prêter. 2 mois plus tôt, il n'eut pas hésité, il eût joué. Le jeu n'avait-il pas toujours été pour lui une sorte de carrière, sa seule carrière même? « J'ai besoin de 100 louis, se disait-il, je ne les ai pas. Où joue-t-on ce soir ?» Aujourd'hui, il hésitait. Ce n'était pas sa dernière perte qui l'intimidait. Il croyait au contraire que la veine lui était revenue. Mais il subissait les conséquences d'une sorte de transformation qui, peu à peu, s'était produite en lui à son insu. Depuis qu'il aimait Julia, la vie lui apparaissait sous un nouvel aspect. Il se plaçait à un point de vue plus sérieux pour juger certaines choses. Il était plus sévère vis-à-vis de lui-même. Il commençait à comprendre ces mots d'honorabilité et de délicatesse au sujet desquels il n'avait eu jusqu'alors que des idées assez vagues. Il se disait enfin qu'il est peut-être triste de demander toujours au jeu ce que le travail seul devrait donner. Il est certain que si, dans ses dispositions d'esprit, il eût découvert un moyen avouable et honnête de gagner 14 000 francs en peu de temps, il n'aurait pas hésité à l'employer. Malheureusement, ces moyens-là sont rares. Savary, après quelques nouvelles hésitations et avec une grande répugnance, empressons-nous de le dire à sa louange, se vit réduit, certains soirs, à se rendre chez Pélagie d'Hermont. « Elle ne se fait jamais prier, se dit-il, pour organiser une partie. » Peut-être même, en ce moment, taille-t-on chez elle quelques belles banques. J'ai 25 louis. Je n'ai pas joué depuis longtemps, je suis malheureux en amour. Voilà d'excellents motifs pour avoir un bonheur insolent. Tout en raisonnant de la sorte, il sonna à la porte de Pélagie. Ce fut Madame d'Hermont qui l'ouvrit. « Tiens, te voilà, toi !» lui dit-elle en lui tendant la main et en l'introduisant dans le salon. « C'est gentil de venir me voir. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'abandonnes pas tes amis lorsqu'ils sont dans l'adversité. » « Tu es dans l'adversité, ma toute belle, pourquoi ?»« Comment? Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ?» demanda vivement Pélagie. « Je ne m'en doute pas, je n'ai vu depuis longtemps personne de la bande. »« Tu ne lis pas les journaux ?»« Les journaux? Que m'aurait-il appris sur ton compte ?»« Que la police a fait une descente chez moi la semaine passée, » répondit Pélagie. « Ah bah, c'est comme je te le dis, mais à quel propos ? Faisais-tu sans nous prévenir de la fausse monnaie ?»« Je donnais à jouer, diable !» Et ces messieurs de la police sont arrivés juste au milieu d'un magnifique baccarat. Il y avait sur la table plus de 10 000 francs en or et en billets. Il était de bonne heure alors, dit Savary. Personne n'avait encore étouffé l'argent. Malheureusement, aussi l'a-t-on saisi. C'est de l'indélicatesse. Si l'on ne s'était contenté que de saisir l'argent, répliqua Madame d'Hermont. D'abord, on a forcé toutes les personnes qui étaient chez moi à décliner leur nom, prénom et qualité. Quant aux qualités, fit observer Savary, « Cela n'a pas dû être long. Je te conseille de plaisanter. Tu ne sais pas qu'on a saisi mes meubles. C'est donc cela. » C'est qu'un Savary, sans s'attendrir et en regardant autour de lui, « Je me disais, voilà un mobilier nouveau. C'est un mobilier d'occasion que j'étais obligé d'acheter hier. Comment ? Reprit Savary. On avait le droit de saisir tes meubles. Mon Dieu, oui, le code est précis à cet égard, répondit Pélagie en soupirant. Mon avocat m'a même fait lire l'article qui me concerne, article 410 du code pénal. Je le sais presque par cœur. Seront confisqués tous les fonds qui seront trouvés exposés au jeu, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. En vérité, fit Savary, en essayant de prendre un air affligé, la loi ne respecte pas les choses les plus saintes. Et encore, si c'était tout, reprit Madame d'Hermont, comment ce n'est pas tout ? Autre paragraphe, je le sais encore mieux, fit-elle en poussant un profond soupir. Toute personne qui aura tenu une maison de jeu de hasard sera punie d'un emprisonnement de 2 mois au moins et de 6 mois au plus et d'une amende de 100 francs à 6 000 francs. Tu ne tenais pas une maison de jeu, fit observer Savary. On est réputé tenir une maison de jeu, m'a dit mon avocat, lorsqu'il peut être établi qu'on donne à jouer, même chez soi, d'une façon régulière. Dans le but de faire une spéculation, tu n'en faisais pas. Il considère la cagnotte qu'on avait organisée à mon profit comme une spéculation. C'est y mettre bien de la mauvaise volonté, fit observer Savary. Dis plutôt que l'injustice est flagrante, répliqua Pélagie. N'était-il pas naturel que chacun de vous contribue à mes dépenses ? Évidemment. La bougie coûte cher et vous en usiez beaucoup. Pour 5 à 6 francs tous les soirs, se dit Savary, et sa cagnotte lui rapportait au moins de 300 à 400 francs. Excellent ami, comme je m'apitoie sur ton sort. Enfin, reprit Madame d'Hermont, je t'apprendrai, mon petit Albert, que j'ai le plaisir de passer en police correctionnelle dans 8 jours. Si je ne suis pas en prison pour le moment, c'est que des amis influents ont demandé qu'on me fît grâce de la prévention. Mais je serai évidemment condamné, peut-être au maximum. Voilà où j'en suis, mon cher. Qu'en dis-tu ? Je dis que c'est désolant. C'est navrant, fit Pélagie, qui porta son mouchoir à ses yeux. Savary trouva inutile de remarquer cet attendrissement et reprit. Comment la police est-elle avisée de venir chez toi ? Il faut que tu aies été trahi. Certainement, mais je ne sais pas le nom du traître. Tu ne recevais que des habitués, des amis ? Dans ces derniers temps, surtout, aucun étranger ne m'était présenté. Il n'y a que cet Italien. Avec qui tu t'es trouvé, tu sais, le comte de Rubini. Oui, c'est cela. Oh, ce n'est pas lui qui aurait songé à te dénoncer. Il a trop gagné d'argent chez toi. Ces idées-là ne peuvent venir qu'à des joueurs qui ont beaucoup perdu et qui veulent se venger. D'ailleurs, je connais maintenant beaucoup le comte Rubini. C'est un original, mais un très galant homme. Alors, dit Pélagie, j'aurais-tu vendu par une de ces dames ? Probablement. Ta cagnotte aura excité quelques petites jalousies féminines. De là, une plainte anonyme à la préfecture, c'est tout ce qu'on peut supposer. À moins, ajouta-t-il en souriant, qu'il ne se soit glissé des agents de police parmi nous. Après s'être encore attendri quelque temps sur le sort de Pélagie d'Hermont, Savary s'empressa de la quitter. Du moment qu'elle ne donnait plus à jouer, elle lui devenait inutile. Les 25 louis de Savary continuaient à rester solitaires. Il ne connaissait aucune autre maison ressemblant à celle de Pélagie, et du reste, lorsque la police descend dans l'une de ces maisons, toutes celles du même genre ont soin de se tenir hermétiquement fermées pendant quelque temps. C'est élémentaire. Quant à partir pour Bade ou pour Hombourg, afin de tenter la fortune, Savary n'y songea pas. Il ne se sentait pas le courage de mettre 100 ou 200 livres entre Julia et lui. Puis ses 25 louis auraient à peine suffi au voyage. Résigné, puisqu'il ne pouvait faire autrement, à rester le débiteur du comte, il crut cependant devoir lui parler de sa dette et s'excuser du retard qu'il apportait à la régler. Vibert, de plus en plus morose, refusa de le recevoir. Savary était vraiment désespéré. Il ne savait que devenir. Les 2 seules personnes avec lesquelles il passait sa vie depuis 2 mois lui manquaient à la fois, sans qu'il sût même pour quel motif on s'éloignait de lui. Julia avait choisi pour fermer sa porte le lendemain du jour où il avait déclaré son amour. Cependant, elle l'avait écouté en silence, elle l'avait presque encouragé à parler. Sans l'entrée inopportune de Vibert, peut-être allait-elle lui répondre. Elle se séparait de lui brusquement, sans s'expliquer, au moment où il commençait à espérer. Comme une âme en peine, il parcourait Paris dans tous les sens, passant de préférence à tout propos rue de Grammont. Un jour, ou suivant son habitude, il levait les yeux dans la direction des croisées de Madame Vidal. Il l'aperçut derrière ses rideaux. Alors il perdit la tête. Toutes ses témérités d'autrefois lui revinrent. Il traversa la rue en courant gravit deux étages, repoussa Marietta qui voulait le retenir, entra dans le salon et se trouva en face de Julia. On était alors au lendemain de l'arrestation de Langlade et de la visite de Vibert au juge d'instruction.